va consoler un cœur, tu es celui qui va guérir un cœur, tu es celui qui peut tout, celui qui peut nous donner ce que nos cœurs désirent, tu es celui pour qui nous sommes là ce matin, ta miséricorde, tu l'as toujours, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière ta parole pour la réaliser. Ce matin, ta miséricorde dura toujours. Ce matin, ta parole dura toujours. Ce culte, nous allons le passer dans la joie, dans la gloire de l'éternel. Ta miséricorde dura toujours. Tu nous as donné la vie ce matin. Ta miséricorde dura toujours. Tu nous as donné la bonne santé ce matin. Ta miséricorde dura toujours. Tu nous as donné la force. Nous nous tenons sur nos deux pieds ce matin. Pas par notre force, mais par ta miséricorde. Cette miséricorde qui dura toujours, qui se manifeste encore ce matin. Nous confessons que des prodiges et des miracles en ces lieux, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Dieu Tout-Puissant. Nous te désirons ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, ton amour infini, tu as commencé par nous donner ton Fils, Jésus-Christ, celui que tu as tant aimé. Tu l'as livré. Pas pour le punir, c'est non pas, mais tu l'as donné par amour. Et pour l'amour, Jésus est allé jusqu'au bois du calvaire. Par amour, pas parce qu'il n'avait pas la force de s'échapper, pas parce qu'il n'avait pas la force de se battre, pas parce qu'il n'avait pas la force de faire tomber ses champs, mais par amour. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Ta miséricorde dura toujours. Ta miséricorde dura toujours. Sa miséricorde dura toujours. Sa miséricorde dura toujours. Le Seigneur est bon. Sa bonté est éternelle. Sa fidélité dure de génération en génération. Si ce matin, nous sommes encore en vie, c'est parce que ta miséricorde dure à toujours. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons par l'amour que tu as manifesté par Jésus-Christ ton Fils. Nous t'acclamons encore une fois, Jésus. Sois élevé. Est-ce que nous pouvons bien l'acclamer? Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Bien-aimés, je suis dans la joie. Si nous pouvons partager la joie parmi nous, nous allons nous saluer. Le Dieu qui nous a protégés pendant 355 jours au courant de cette année 2025. Bientôt, nous traversons vers l'année 2026. Avec joie, nous nous saluons, nous souhaitons, les vœux les meilleurs. Le Seigneur qui nous aide. Pendant ce temps, les canaux vocaux, vous passez les vœux les meilleurs, les vœux les meilleurs. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aide. Alléluia. allons louer ensemble avec les canons vocalistes. Nous pouvons les accompagner avec les acclamations, avec des cris de joie. Nous sommes dans la maison de Dieu. La Bible dit, il y a la liberté dans la maison de Dieu. Vous pouvez acclamer quand vous voudrez. Vous pouvez lancer des cris de joie quand vous allez vous sentir dans la joie. Nous y allons. Baba, wenja kimbili olangu, tegeme olangu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenja kimbili olangu, tegeme olangu, nguvu ya maisha yangu. Yemba babe, baba, wenja kimbili olangu, tegeme olangu, nguvu ya maisha yangu. Yemba babe, baba. Wenda kimbilia langu, tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenda kimbilia letu, tegemeo letu, nguvu ya maisha yetu. Baba, wenda kimbilia letu, tegemeo letu, nguvu ya maisha yetu. Yemba babe, baba. Wenda kimbilia langu, tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenda kimbilia langu, tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenda kimbilia langu, tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenda kimbilia langu. Tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Baba, wenda kimbilia langu. Tegemeo langu, nguvu ya maisha yangu. Oiladi, beleza moye, fatigue chaché. Je vous donnerai du repos. Ne n'est pas éternel. Verset 4 nous dit ceci. Bible na sema Mungu atatufanya shie tukue moto. Asubuhi ya leo Mungu atafapa maisha yako moto. Hakuna mtu atabamba maisha yako itaanza kuwaka moto. Haleluya. Bikelekele, bikelekele. Maisha yangu ninakatala nayo. Maisha yangu ninakatala nayo. Oh, Amen. Amen. Amen. Amen. Nous les encourageons avec des acclamations. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas du vin. Alléluia. La Bible continue en disant, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes libres de nous lever si nous voulons bien, d'acclamer si nous voulons bien, de faire des cris de joie. C'est un moment de louange. Prends la position qu'il faut pour louer l'Éternel pour sa fidélité et son amour. Ah, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Betsa milolo milolo. La Bible déclare que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alors là où tu es, commence à se lever, nous voulons louer le Seigneur, le roi des rois, le vainqueur de la croix de Golgotha. Il a vaincu le péché, il a vaincu le monde. Alléluia. Gana bondela kombo ninye zambe bika mwananga zambe nanga yoyo zambe nanga yoyo naye kiposa koyemba loyemba mote mwananga yo zambe nanga yoyo zambe nanga yoyo solo linganga mingi yaya yonde solution nanga zambe nanga yoyo zambe nanga yoyo naye kiposa koyemba loyemba mote mwananga yo zambe nanga Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Bambola, Namani, Vete Milolo, Milolo. Ah, Iolela, Iolela. Yayananga kanye bango, Yayananga kanye bango, Jésus Christ a marqué le but, Satan a zéro, Jésus Christ a marqué le but, prophète de Bala zéro, Jésus Christ a marqué le but, hôtel de Bala zéro, Il a payé ma dette. Satan prend tes histoires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ah, Satan prend tes bêtises. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Il a tout accompli. Sur la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Oh, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Oh, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Ah, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Ah, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Ah, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Aïe. Allez, Massia Bolingo, yo yo yo Bolingo. Ah, Massia Bolingo, yo yo yo Bolingo. Ah, Massia Bolingo, yo yo yo Bolingo. Ah, Massia Bolingo, yo yo yo Bolingo. Ah, Masia bolingo yo yo yo bolingo ya bomana Masia bolingo yo yo yo bolingo ah Masia bolingo yo yo yo bolingo ya bomana Masia bolingo yo yo yo bolingo aye bisa bango aye bisa bango aye bisa bango sili ba esili aye bisa bango chomage sili aye bisa bango Olongwe Salomo, aye bisa bango. Olongwe Lokande, aye bisa bango. Olongwe Salomo, aye bisa bango. Shoma Jesili, aye bisa bango. Malat Jesili, aye bisa bango. Seriba Jesili, aye bana WhatsApp. Aye bana TikTok. Aye bana WhatsApp. Voyez mon TikTok, voyez mon Instagram, voyez mon TikTok, voyez mon WhatsApp, voyez mon TikTok, voyez mon Telegram, voyez mon Telegram, allez bisa bango, allez bisa bango, allez Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, bénédiction, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, Yanani, élévation, élévation, élévation, élévation, Libana, Libana, Libana, Libana, élévation, élévation, élévation, Libana. Aïe, Betsa Milolo! Obina Kahapi, Obina Kahapi! Allez, tombe là, Mogoli Kolo! Tombe là, Mogoli Kolo! Ah! Tombe là, Mogoli Kolo! Zambé Azawa! Ah! Tombe là! Tombola, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, Jésus, tombola, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le roi de gloire? Il ne mérite pas seulement nos acclamations, il mérite aussi nos cris de joie. Il ne mérite pas seulement nos cris de joie et nos acclamations, il mérite aussi notre adoration. Il mérite que nous puissions élever nos voix vers son trône. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour ce roi de gloire? Nous acclamons pour ce roi qui a fait tomber Bassan. Sa miséricorde dure à toujours. Nous acclamons pour ce roi qui a créé des luminaires. Il a créé le soleil pour dominer, pour présider le jour. Il a créé la lune et les étoiles pour présider la nuit. Ce Dieu qui crée toutes choses bonnes en son temps. Nous sommes là pour reconnaître ses bienfaits, reconnaître son amour. Élève ta voix et dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Il m'a protégé, il nous a protégé pendant 355 jours. Il ne nous reste qu'une dizaine de jours. Élève ta voix, bien-aimé. Sois reconnaissant, c'est Dieu. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé nos parents. Tu as protégé l'église. Tu continues à nous faire du bien. Voilà la raison de notre adoration de ce matin. Nous venons à toi. Toi qui mérites toutes choses. Bon. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci Jésus. Bien-aimé, sois reconnaissant. Monte à la prière. Nous sommes à la fin de l'année. Seigneur Jésus, je t'aime. Ta voix n'arrive pas jusqu'ici. Adore ce grand roi. Et les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie, c'est que tu y es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais est atteint. Bonne-née, mon âme, bonne-née, bonne-née, de changer nos situations, de changer nos vies, de nous guérir ce matin, Adonai, car tu mérites Adonai, tu mérites Adonai. Jésus, Jésus, Jésus. Adonai, sois élevé, Adonai, sois adoré. Seigneur, nous voulons nous approcher de mon toi. Dieu de puissance, alléluia, Shama. Jésus, sois adoré, Adonai, oh Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Monsieur, la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Vois mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit et jour. Tu es plus grand que tout qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix pendant quelques minutes. Parle à ton Dieu. Il y a des choses que Dieu veut entendre de toi. Tu connais ton Dieu. Tu connais ce que Dieu a fait pour toi. L'année est en train de toucher à sa fin. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Oh, j'aimerais que pendant quelques instants, tu élèves ta voix, que tu parles à ton Dieu. Que tu dis: Seigneur, merci. Merci pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour mes frères. Merci pour mes enfants. Oui, élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Parle, parle, parle au Seigneur. Dieu veut t'écouter ce matin. Il aime écouter ses enfants. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme s'élève. Le soir, tu es Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Oh, je te bénis, Jésus. Jésus, je bénis ton nom. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Je demande à la technique d'arranger un peu le micro. Pendant ce temps, j'aimerais que qu'on chante. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Oui, il faut que tu arrives à un moment donné dans ta vie. Tu dises: moi, je n'ai que toi, Seigneur. Et nous n'avons que Jésus, effectivement, dans notre vie. C'est ça notre assurance, c'est ça notre vie. Nous n'avons que Jésus-Christ. J'aimerais que tu chantes ce cantique dans une attitude de prière. Et que Dieu puisse te faire grâce. J'aimerais que ce soit une prière pour toi ce matin. Avant d'écouter la parole de ce matin. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, Dieu de paix, Dieu de puissance, Dieu de gloire. Oh, merci, Jésus. Je ne peux que soupirer auprès de toi. Je ne peux que compter sur toi, Seigneur. Mon être ne peut que compter sur toi, tout comme mon esprit peut compter sur toi, Seigneur. Tu n'es que le seul refuge de mon cœur. Tu es l'appui de mon être. L'esprit qui me conduit. Un oui, élève déjà ta voix, commence à prier. Un esprit de gloire, un esprit de puissance, un esprit de gloire, un esprit de parole, un esprit de grâce, un esprit de bonté. Un esprit de sainteté, de paix, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Le Oh, je n'ai que Jésus. Je n'aurai plus rien. Ce n'est que toi, Jésus. Le Rédempteur, c'est toi, Seigneur. Merci Jésus. Si on me l'enlève, je n'aurai. Nous n'avons que toi, Seigneur. Mon Rédempteur. Le matin, à midi, le soir. Moi sur la terre. Et dans tous les domaines de notre je vie. Ne vois que nous toi. N'avons que toi, moi, Seigneur. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si on me l'enlève. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je ne lis rien. La la la la la la. Sans toi. Oh merci. Moi sur la terre. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai rien. La la la la la la. Moi sur la terre, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'aurai rien. La la la la la la. Moi sous la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Moi je n'aurai rien. Moi sous la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Je n'aurai plus. Moi je n'aurai rien. La la la la la la. Sans toi. Moi sous la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si on l'enlève, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La la la la la la la la. Oui Seigneur, nous n'avons que toi. C'est par toi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi de celui qui m'a aimé. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment merveilleux. Reçois l'honneur, puissance et gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il y a tellement de gens qui sont sérieux et autorité. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Tu peux acclamer pour ton Dieu. Oh, devant Dieu, il n'y a pas de charisme. Dieu reste Dieu. Amen. Oh, il est merveilleux de célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Veuillez vous asseoir. J'espère que tout le monde a été salué. Qui n'a pas été salué? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je suis dans la joie ce matin. C'est le quatrième dimanche de Moulima. Inakuya tuni siku ya chuma ya ine ya mulima. Et demain nous commençons la dernière semaine de Mulima 30. Na kesho tunanza na wiki ya mwisho ya Mulima 30. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Unaweza kujichapia peke yako kofi. Oui, c'est que avec, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Parfois, on se pose beaucoup de questions devant certains événements dans la vie, mais avance seulement avec le Seigneur. Petit à petit, Dieu va te prendre. Il y a un verset que j'aime dans Deutéronome, je pense chapitre 32. La Bible dit que Dieu n'avait pas besoin, l'Éternel n'avait pas besoin d'un Dieu étranger pour prendre Israël de l'Égypte vers Canaan. Donc Dieu n'a pas cherché de l'aide. Non, non, lui-même. En répliquant par Kilari, à ce moment, je veux vous prendre de là et vous amener. Et les amener, effectivement. Dieu va t'amener en 2026. Il n'a pas besoin de notre Dieu pour l'aider. Lui-même va se débrouiller pour te mettre sur ses épaules et t'introduire en 2026. Et te fera marcher en 2026. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je bénis aussi le Seigneur. Pour le travail que son serviteur a fait pendant toute une semaine, jour pour jour. Imaginez-vous, tu prépares des enseignements chaque jour. Tu enseignes, tu es fatigué, tu rentres le soir, tu ouvres la Bible, tu prie, tu prépares demain, jour pour jour. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le docteur David? Oh, gloire au Seigneur. Il nous a parlé avec l'Esprit de Dieu. Nous a parlé avec son cœur. Nous a parlé avec sa force, son énergie. Je bénis le Seigneur. Anatupatia tena mwili ya Kristo watu kama hao. Nambariki Bwana. Kuzidia hii yote anakuwa tu ni nduku kwa ajili yangu. Eh, frère. Nduku tu. Frère wa ndani. Vous savez, bon, tellement les gens commencent à déformer certains noms qu'on a fait wa ndani. Ni wa ndani tu bien kweli. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Nabariki Bwana. Je pouvais aller manger chez ses parents. Ses parents sont parrains de mes frères, de mon frère. Et mon frère habitait chez lui, chez eux. Il connaît bien. Et parfois, il pouvait même gronder, hein, mon frère, pour les mettre sur la bonne voie. Voilà, c'est la famille. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et qu'ils soient vraiment des enfants de Dieu que Dieu utilise correctement. Et je bénis surtout le Seigneur qui lui a donné une épouse extraordinaire. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut s'élever et accueillir Maman Tété? Maman Tété, est-ce qu'on peut l'accueillir? On peut l'accueillir correctement? Ah, vraiment. Dieu lui a donné une épouse extraordinaire. Je me acclame, frère. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Merci beaucoup, Maman Tété. Maman Thérèse, Maman Tété, nous vous aimons beaucoup. C'est une grâce d'avoir des personnes comme ça. Mon Christou. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Et vous voyez, elle voyage avec son kichakachak. On prend à voyager dans mon hamburger, dans ma pizza. Toi, tu voyages ne plus qu'avec la nourriture. C'est vrai, c'est des choses qui montre l'attachement à Dieu. C'est très important. Bien aimé, les bonnes choses, on les copie. Dans la vie, les bonnes choses, on les copie. Oui, et puis ça te permet d'avancer, ça te permet de corriger. Tout ce que tu vois à l'ikasi, ce n'est pas tout ce qui existe sur la terre. Tous les hommes que tu vois, ou toutes les femmes que tu vois, les dames que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a sur la terre. Il y a aussi des bonnes personnes. Bien que les bonnes personnes sont un peu rares sur la terre, mais elles existent quand même. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour la présence de Mama Tété qui a accompagné le docteur David. Et vraiment, vous sentez cet amour et dans le travail qu'il est en train de faire. Et nous prions le Seigneur qui continue à le soutenir dans sa vie et dans son ministère. Est-ce que le portrait est prêt? Le portrait. Je voudrais qu'on nous rediffuse encore le portrait. C'est pas mauvais. Le son. Mouli Matronte, édition 2025, connaîtra la participation du docteur David Katéba. En qualité d'orateur, le docteur David Katéba est un homme des dieux de foi converti en 1991 et trois ans plus tard, il débute son service au sein de la 30e communauté pentecôtiste et devient prédicateur en 2001 à la nouvelle cité de David. Depuis 2005, le docteur David est pasteur associé à la paroisse mère de la communauté des églises évangéliques La Conquête, guidée par le révérend Josué Romain Casadi. Docteur de ministère depuis 2019, il rejoint la plateforme d'Allo Ministries en 2021 où il sert à ce jour sous la couverture de l'apôtre Roland Dallou. Donc le service de Dieu sont soumises à la loi de la reproduction de son modèle. Et c'est ça qui fait l'autorité de Dieu. Je veux dire ceci. Si Dieu est autorité dans sa maison, c'est parce que dans cette maison-là, si Dieu est autorité dans son service, c'est parce que dans ce service-là, il faut y reproduire rien que son modèle à lui. Si vous apportez un autre modèle, c'est comme si vous y introduisez une autre autorité et ça ne va pas marcher. Initiateur de la conférence des leaders, assistant fort et efficace, il est reconnu pour ses enseignements percutants et son engagement dans la foi chrétienne. Marié à maman Thérèse Katéba, avec qui il a 4 enfants. Église source féconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme des dieux, le docteur David Katéba. Merci d'autres, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Seigneur, merci pour ton nom qui est sur notre front. Bwana asante kwa jina lenye kuwa juu yetu. Et ton profil qui a enveloppé notre destinée. Na picha yako yenye ilifunika ujio wetu. Au point que ceux qui nous reçoivent te reçoivent. Atua hata ile wenye watatupokea wapate kukupokea. Selon que toi tu l'as dit. Ta vile wewe ulisema. Si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. Et si quelqu'un me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Ce peuple m'a reçu. À partir de son pasteur et de son épouse. En reconnaissant la qualité que tu as accordée à ce que tu nous as donné. Seigneur, que du haut de cet appel, Que ta bénédiction soit déversée dans cette église. Et que l'esprit se charge d'introduire dans les destinées de tout un chacun les récompenses liées à notre qualité. Car nous avons été reçus en qualité de serviteurs. Et que la récompense de serviteur tombe en abondance sur chaque vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une très grande joie d'être là à la source féconde. Vraiment une source féconde. Merci au pasteur Désiré qui est mon frère. Il vient de vous le dire très bien. Ce n'est pas des fraternités négociées, c'est des fraternités de toujours. C'est de longue date. Donc si vous me voyez aller passer nuit chez lui ou bien aller passer nuit chez eux, c'est normal. C'est dans notre famille. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur, et à maman Elvire. De nous faire confiance et de nous donner votre chair. Et merci à toutes les équipes derrière vous qui servent le Seigneur en vous accompagnant dans cette lourde tâche de paître son peuple. Et merci au peuple de source féconde. Vous faites preuve que l'on peut renaître des cendres. Et que le Dieu qui a une alliance avec cette œuvre est fidèle et ça se voit au travers de vos attitudes. Est-ce qu'on peut célébrer le couple pastoral et d'abattre un grand travail qui donne encore un signal à cette ville? Que source féconde est une œuvre authentique de Dieu. Maman Elvire, merci beaucoup Mama Elvire, accente pour sana, votre leadership et votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vous dis au revoir. Je dis bien au revoir. Je n'ai pas dit adieu, je dis au revoir. Amen. Amen. Et nous allons atterrir avec notre travail sur relever le défi de dépasser les limites des pères. Relever le défi de dépasser les limites des pères. Thème de l'année va avec la force que tu as. Et lorsque vous regardez à ce thème, c'est à Gédéon que Dieu parle. Gédéon est fils de Joas, serviteur de Baal. Amen. Amina. Mais Gédéon est devenu serviteur de Dieu. Lorsqu'on sert les faux dieux, on est occultiste ou devin ou sorcier. C'est que nous avons affaire à un fils de sorcier qui est devenu héros dans le pays. Et ce n'est pas la première fois que Dieu le fait. Le père de la foi est fils d'un occultiste. Baba wa imani yeye ni mwana wa mlozi fulani. Abraham est fils de Terak. Abraham yeye mwana wa Terak. Selon Josué 24. Kufatana na Yoshua 24. De 1 jusqu'à 3. Vesi ya kwanza mpaka 3. On nous présente Terak comme serviteur des dieux étrangers. Wanatutambulisha huyu Terak kama tena mtumishi wa miungu migeni. Donc être issu d'une famille où la sorcellerie a été exploitée à outrance. Ni kusema kutoka ndani ya jamaa mule ulozi ulikuwa juu za hiki. N'est pas une condamnation à mal fini. Iyo aina hukumu kwa kumaliza vibaya. Mais la rencontre avec Dieu. Lakini makutano na huyu Mungu. C'est l'opportunité à exploiter. Inakuwa fadhili ya kuonesha. Pour écraser l'histoire de la sorcellerie de la famille, dépasser les limites que cette sorcellerie a fixées et introduire la lignée dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons un texte et puis nous allons donner deux grands éléments. Mon texte est dans Jean 10 de 34 à 35. Plutôt Jean 14:12. Jean 10, on va voir ça après. Jean 14:12, c'est ça le texte de base. Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Si vous pouvez noter ou enregistrer les deux choses que je vais vous dire qui sont des choses fondamentales à exploiter pour que nous dépassions les limites de nos pères. La première chose à faire, il faut comprendre le type de père terrestre que l'on a eu. Tu dois comprendre quel type de père tu as eu sur cette terre. Amen. Amina. C'est très important. Eo, ça veut dire à un certain moment de ta vie, ni si yama tu veux isha, aller plus loin que ton père, si tu veux yako, faire plus que ceux qui t'ont précédé, tu dois comprendre quel type de père ils ont été. Unapasha kuelewa aina gani ya ubaba walikuwa. Amen. Amen. Et la deuxième chose, puisque nous sommes en Christ, tu dois adopter le type de fils céleste en Jésus. Amen. Amina. Adopter kubeba le type de fils céleste. Aina ya mtoto wa mbingu. Mtoto wa kimbingu. Amen. Amen. Qui se trouve en Mwanyana Jikuta Jésus. Dania Christo. Amen. Amen. Et pourquoi Nani kwa ile le type de fils qui se trouve en Jésus? Aina ya mwana anajikuta ndani ya Kristo. Parce que Jésus kwa maana Yesu détient en lui anakuwa ndani yake l'unique type de vie qu'on ne peut jamais limiter. Aina tu moja ya maisha haiwezi kutiliwa mipaka. La vie de Dieu. Maisha ya Mungu. Ce qu'on appelle en grec la Zoé. Yenye wanaita mkigreki Zoé. Amen. Amen. Maintenant, elle se trouve en Christ. Sasa inajikuta ndani ya Kristo. Nous la recevons na tunayapokea par la foi en lui. Kupitia imani ndani yake. Une foi dans la foi. Lakini imani ndani ya imani. Il faut adopter le style de vie qu'avait Jésus. Nous allons expliquer ça en deuxième phase. On a compris ces deux choses. Premièrement, comprendre le type de père aina ya baba terrestre que vous aviez mwenye ulipata kwenye dunia. Et deuxièmement, na ya pili, adopter kubeba le type de fils ma aina ya céleste wa kimbingu qui se trouve en mwenye anajikuta Jésus. Ndani ya Kristo. C'est le ciel qui domine sur la terre. Ni mbingu yenye natawanika si kwenye vous vivez dunia sur terre, avec la vie terrestre, la terre va vous limiter. Si vous voulez être au-dessus des lois et des limites de la terre, adoptez le type de vie céleste en Christ. Et lorsque vous prenez Jésus et vous le positionnez dans le ciel, la Bible dit, il est au-dessus de tous les cieux. Je vais expliquer ça à la deuxième phase. Retournons d'abord à notre thème et à donner quelques généralités autour de cette réalité. Regardez le langage de Christ. Amen. Amen. C'est très important. Christ dit, Christo kasema, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais atafanya basi yote nilfanya, et il en fera de plus grand na atayafanya kubwa zaidi, parce que je m'en vais kwa maana naenda, au Père. Bele ya baba, le modèle parfait mfano mzuri, d'un père et d'un fils se trouve en Christ. Ya baba na mwana inajikuta ndani ya Kristo. Amen. Amen. Parce que quand vous prenez Christ dans sa progression sur la terre, kwa maana mkibeba Kristo mkuendelea kwake kwenye ulimwengu, Isaïe annonce, Isaya katangaza, un enfant, mtoto, nous est né, ametuzaliwa, un fils, na mwana, nous est donné, ametupewa, on l'appellera basi admirable, tutamuita mwenye amependezwa, conseiller, mwenye mshauri, Dieu puissant, Mungu mwenye uwezo, Père. Papa wa milele. Que Jésus a fait l'expérience de kusema Yesu alifanya ile mazoezi. Tous les statuts. Ya hiyo tena mapicha yote. Il a été enfant, alikuwa mtoto, il a été fils, atakuwa mwana, et il est devenu père. Na akakuwa baba. Et dans son statut de père, mupicha yake ya ubaba, Jésus est un positionneur de sa postérité anakuwa mwenye natia hiyo kizazi yake, à faire plus que ce qu'il a réalisé, kufanya zaidi ya yenye alifanya, en leur apprenant par faire ce que lui a fait, mukuwafundisha kufanya yenye yeye alifanya. Amen. Ça veut dire, ni kusema, si tu n'as pas eu un père kama aujakuwa na baba, qui t'apprend à faire ce qu'il fait, mwenye anakufundisha kufanya inanafanya, tu es déjà piégé. Unakuwa ndani tena ya mtego. Donc, ta vie va être compliquée. Maisha yako itakuwa gumu zaidi. C'est là que ni pale, je vous ai dit nilimiambia, que vous devez apprendre, munapasha kujifunza, à analyser le type de père que vous avez eu. Ce n'est pas un péché de mener une étude sur son père. C'est ça même la prudence, parce que la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Amen. Amen. L'étude que tu fais, iyo tena ufunzo unafanya, tu sais qu'a été le père que tu as nilifanya ule baba mwenye ulipata, te donne deux angles, kukupatia tena fazi mbili, fais une étude, basi fanya ufunzo, avec amour, pamoja na mapendo, tu as l'angle des bonnes choses du père, tena fazi ya ngambo bitu bizuri, et tu as l'angle des mauvaises choses du père, unaangalia tena ngambo mbaya ya baba, yenye Bible naita la vaine manière de vivre héritée, tendo ali mbaya ya kuishi ya baba. Amen. Amen. Lorsque tu as découvert, wakati unavumbua, les éléments de la vaine manière de vivre, mambo ya ali mubaya ya ce n'est pas pour haïr ou exposer le père. Ya kuchukia au kutia wazi baba yako. Amen. Amen. Parce que kwa mana, la découverte du mal de quelqu'un ne te rend pas bon. Kuvumbua ubaya ya mtu hiyo haikufanye kuwa mzuri. Ce n'est pas parce que tu as découvert ahina tu kwa ajili le mal qu'il y a dans une personne, ou le mauvais côté d'une personne, que toi tu es devenu bon. Kule wewe unakuwa mwema, hapana. Un voleur peut découvrir un voleur, un sorcier mwizi peut découvrir un sorcier. Mwizi anaweza kuvumbua mwizi na mlozi naye vile vile. Devenir bon, c'est lorsque tu gardes à l'esprit le commandement d'honorer ce Père, même si tu as découvert en lui des choses vaines et mauvaises. Mais tu te décides, selon le commandement de Dieu, de l'honorer parce qu'il est Père. Tu ne l'honores pas parce qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait, mais tu l'honores parce qu'il est Père. Baba. Ton honneur ne dépend pas de ses lacunes ou de ses prouesses. Ton honneur dépend du fait que il est Père, et le Père céleste a établi le commandement d'honorer les pères, quelle que soit leur nature et leurs œuvres. Ils sont honorable. Et la Bible dit, rendez l'honneur à ceux qui doivent recevoir cet honneur. Ils ne reçoivent pas l'honneur en fonction de ce qu'ils ont fait. Ils reçoivent l'honneur en fonction de leur statut paternel. Qu'ils aient fait du bien ou qu'ils aient fait du mal, ça ne leur enlève pas le droit à votre bonheur. Ça ne vous enlève pas l'obligation de les honorer. Amen. Je vous donne le premier élément dans la Genèse. Analyse du type de père qu'Adam a été. Lorsque vous avez eu un père de type Adam, comportez-vous comme Abel. Muzazi wa aina kama Adam, basi ujioneshe kama Abeli. Adam a perdu la faveur de Dieu. Adam alipoteza fadhili ya Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Adam, kwa maana Adam et Eve, na Eva, ont quitté la vie de la foi. Au alitoka maisha ya imani. La Bible dit la foi vient d'où? Bible nasema imani de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ya Mungu. Amen. Quelle opération l'ennemi a réalisée chez Ève et Adam? Nitendo gani huyu ibilisi alivumbua kwa Adam na Eva? C'est de les amener à abandonner la vie par la foi et à les introduire dans la vie par la vue. Quel est le constat que Ève fait après la séduction? La Bible dit, elle vit que le fruit était agréable à la vue. Ça veut dire, on l'a fait sortir de la foi en la parole de Dieu et on l'a introduit dans l'observation des choses selon ses yeux. Et ça, c'est devenu sa base de décision. Et Adam a adhéré à ça. La foi imani a été relâché et la faiblesse a été introduite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nini Biblia nasema? Or, sans la foi, ila bila imani, personne ne peut lui être agréable. Ça veut dire, la foi, imani, c'est l'instrument inakuwa chombo qui permet à Dieu de t'agréer, kupata kukubali, de te soutenir, na kukushikamanisha, de t'accompagner, kwa kukushindikiza, et de t'aligner dans na ses promesses. Mu mipango yake. Donc si tu perds la foi, imani, tu n'es plus agréable à Dieu. Et Dieu s'éloigne de ce qui n'est pas agréable. Na wenye awakubaliwe kwake. Amen. Amen. Et si je voudrais bien brosser quelque chose de très important parmi nous, Parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre la grâce de la vie éternelle et la grâce de la destinée. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire pour être sauvé, tout ce qui vient ne vient pas de nous. C'est un don. Donc, la grâce du salut éternel, c'est un don gratuit que Dieu fait. Il nous amène la foi. Mais attention, la grâce dans la destinée se mérite. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, par définition, la grâce c'est ce qui ne se mérite pas. Mais spirituellement, il y a des grâces qui se méritent. Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste au orgueil. Si tu es humble, tu remplis la condition pour recevoir la grâce dans ta vie. Donc la grâce de la destinée exige l'humilité de ta part. Et si tu deviens humble, tu te positionnes pour mériter la grâce. Ça c'est la grâce dans la destinée. Ce n'est pas la grâce du salut qui est gratuite. C'est celle-là qui est gratuite. Et même celle-là, elle est gratuite de notre côté. Mais Dieu a payé pour que nous l'ayons. Il a payé le sang de Jésus. C'est le prix de la grâce. Donc c'est gratuit de notre côté. Mais Dieu a payé pour cette gratuité-là. C'est comme si la gratuité absolue n'existe pas. Quelqu'un doit payer pour que quelque chose soit gratuit. Il n'y a pas de gratuité au départ comme à l'arrivée. Il y a gratuité à l'arrivée, mais au départ, il y a eu prix payé. Le sang de Christ a été versé pour que la gratuité de notre côté soit opérationnelle. On se comprend bien. Et ça doit être parmi les sujets d'adoration, c'est de considérer le prix qui a été payé pour que tu reçoives gratuitement. Amen. Rentrons à Adam. Il a perdu la foi. Il a perdu la faveur. Mais quel est le bon côté d'Adam? Adam a donné à sa postérité une atmosphère et un environnement organisé par la nomination. Ça veut dire les Abel, les Caïn n'ont plus à nommer les animaux. Adam avait déjà fait ça. Là où il n'y a pas de nomination, il y a du désordre. Donc Adam a créé un environnement organisé pour ses fils. Quand il ait perdu la foi, imaginez qu'il n'y ait pas d'accord entre les Caïn et les Abel sur la vache. Ce que Caïn appelle vache, Abel appelle ça lion. Ils vont s'entendre comment? Donc Adam a le mérite de pouvoir transmettre à sa postérité un environnement organisé par la nomination qu'il a dû faire. Donc il a déjà un bon côté, même si son erreur a consisté à abandonner la foi. Mais là, Abel vient. Mais la Bible nous dit, dans Hébreu, c'est par la foi. C'est que Abel a amené. C'est que Adam a fait tomber. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Ça veut dire, avec Abel, il y a eu le retour de ce que ses pères ont perdu. Et ça, ça ramenait la faveur de Dieu. La Bible dit, l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire, Abel l'appelle à récupérer la chose que son père a perdu, qui a fait que Dieu les avait éloignés. Et lui, il a changé le regard de Dieu sur les humains en apportant la foi. Le type de père que tu vas trouver en ton père va t'aider à développer le type d'activité qui va t'amener à dépasser les limites. Si tu as eu un père du genre fils d'Élisée, prophète, mais qui meurt endetté, tu dois savoir que le côté qui va vous relever, c'est le côté de travailler tôt. Vous voyez ce genre de type de père là? C'est le type de père absorbé charnellement par le bon goût du surnaturel. Je vais m'expliquer. Le surnaturel, le surnaturel a un certain goût des choses tel qu'on a envie d'y rester tout le temps. Et si vous décidez de rester tout le temps accroché au surnaturel, ça devient charnel. Parce que toute votre vie n'est pas liée au surnaturel. Il y a des lois naturelles dans lesquelles vous devez vivre au quotidien. Si vous ne les respectez pas, ces lois-là, vous n'êtes plus spirituel, même si vous aimez le surnaturel. Je vais m'expliquer. Jésus a multiplié le pain combien de fois? Deux fois. N'est-ce pas? Toutes les autres fois, comment il mangeait le pain? Il achetait. C'est naturellement. Des gens fabriquaient le pain. Et Jésus avait une caisse où ils achetaient le pain. Et même le pain de la Sainte Seine. Ce n'est pas un pain qu'il a multiplié. Ils l'ont acheté. Ça veut dire Jésus, qui est spirituel, n'a pas pris sa vie et l'a intégré dans une gestion surnaturelle du quotidien avec miracle tout le temps. Non, il n'y aura pas miracle tous les jours, c'est faux. Il y a miracle quand Dieu trouve qu'il y a nécessité et quand il voit la foi de l'autre côté. Donc tu ne géreras pas ta vie par miracle. Tu vas gérer ta vie par sagesse. Le fils d'Élisée a commis cette erreur. Il voulait que toute sa vie soit absorbée du côté surnaturel. Ce qui fait qu'il est resté accroché à la prophétie, mais il s'est déconnecté de la production et de la gestion de la vie alors qu'il est déjà mari de quelqu'un et père des enfants. Il y a certaines décisions quand vous les prenez. Hein, vous devez savoir qui vous êtes pour les prendre. Quand vous êtes encore étudiant, non marié, faites les retraites en temps et hors de temps. Mais quand vous devenez mari de quelqu'un, vous n'avez plus le droit de décider sur vos retraites et tout ça. La Bible dit d'un commun accord. Ça veut dire quand tu dois aller faire des grands moments de prière, marié, ne te comporte pas comme l'étudiant que tu étais. Tu dois aller d'un commun prendre la décision avec ta femme. Si tu veux prendre le régime de Paul, attention, hein, tu ne sais pas si Paul était marié ou bien s'il était veuf, tu ne sais pas. Paul vivait seul. Hein. C'est lui qui vivait seul te dit, si tu es marié et tu veux vaquer à la prière, crée d'abord un accord avec ton époux ou ton épouse. Maintenant, notre frère, le fils d'Élisée, lui, son vrai problème, c'était quoi? Prophétie sur prophétie. Matabir, quand matabir. Vous le cherchez, il est dans le ministère. Et comme Uduma, les enfants sont en train de grandir. Quand il rentre, anarudia, il n'a rien produit de la journée, kama mais il a donné des vraies prophéties. Et puis après, na kisha yake, les dettes s'accumulent. Madeni inakuwa nafatana. Il est mort. Na kafariki. Le fait de prophétiser ne signifie pas que tu ne vas pas mourir. Ali ya kutabiri, ya iseme ku, auta kufa. Moi, je crois qu'il est mort des problèmes. Minazania alikufa ni kupitia tu mambo bwingi. Et même aussi des déséquilibres alimentaires. Na kutokuwa mustare ya chakula. Parce que quand la femme parle, kwa mana wakati muki elle dit à Élisée, chez nous ici. Anasema na Élisée, uku kwetu. Il n'y a que... Kuko tu. Mafuta kiloko. Kama mnyuma mo bra mafuta. Si ya ke de l'huile dans la maison, c'est-à-dire ya pa la farine. Amuna mboka. Ya pa aussi le condiment. Comment est-ce qu'un homme? Dieu muntu. Qui craignait et servait Dieu? Aranza kogopa na kutumia de telles conditions dans sa vie. Iyo ce sont des équilibres. Bitu bia bina mo. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Alors jamais à ta place. Même si tu as jeûné 100 jours, aucun ange ne va faire ton lit. Hakuna malaika mwenye atatengeneza kitanda kyako. Malaika anangara sema no. L'ange a constaté que vous jeûnez sana. Non, vous avez tellement jeûné, je vais faire votre lit. Bongo. Personne ne doit se dérober de ce qu'il doit faire au nom de la puissance de Dieu. Non. Dieu est puissant et tout puissant, mais sa toute puissance est liée à ses compétences. Et toi, la toute puissance de Dieu ne t'exonère pas de tes responsabilités. Dieu est tout puissant, mais tu es responsable de produire l'argent et de le gérer dans ta vie. Dieu est tout puissant. Mungu ne le fera jamais, alors jamais à ta place. Même s'il multiplie le pain pour tout le monde, c'est que tu es disciple. Na, ne pense pas que, la comme il a toujours fait en public, des enseignements mafundisho, et en privé, na, peke, il organise des séances pour nous. Na, et tu penses que, na, quand il multiplie le pain en public, il va aussi multiplier pour vous. Faux. Il va vous demander miomba, ramasser les miettes afin que rien ne se perde. Ça veut dire kusema, je vais vous apprendre à gérer. Les autres ont mangé le watu pain multiplié, n'est-ce pas? Ils se sont rassasiés. Mais quand Jésus leur a dit ramasser les miettes, si tu étais disciple kama déséquilibré, tu aurais pu lui dire mais oh, qu'est-ce qui t'empêche de multiplier encore le pain que tu nous demandes de ramasser? Tu as perdu la puissance. C'est que Jésus est capable de multiplier le pain surnaturellement et de demander naturellement pour des raisons de gestion qu'on ramasse les miettes, parce que le surnaturel qui est illimité n'empêche pas au naturel de gérer. Dieu est incompatible avec le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Le gaspillage, c'est son propre pillage. Si tu gaspilles, tu te pilles toi-même. Et il leur dit, ramassez les miettes. Quand ils ont ramassé les miettes, ils ont eu combien de paniers? 12. Hein? Ils étaient à combien? Les apôtres. À 12. Ça signifie quoi? Chacun a un panier en rémunération d'avoir assuré la logistique de distribution. Regardez les gens qui ont mangé le pain multiplié. Chacun a mangé, mais il n'a pas eu la quantité de ceux qui ont ramassé au lieu. C'est qu'en ramassant, tu peux avoir pris plus que celui qui a eu un lame. En faisant les choses naturelles, tu peux atteindre l'abondance plus que ce que quelqu'un qui attend un miracle va recevoir. Sois équilibré. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a dit, à la maman, en fait, il lui a donné la dimension manquante de leur maison. L'erreur de cette maison. Le mari que tu as eu et le père que ses enfants ont eu n'a jamais organisé le travail dans la maison. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez ici? Nous avons de l'huile. Allez chez tous les voisins, récupérez tout ce qu'il y a comme vase et puis remplissez les sablés, créez une entreprise dans cette maison ici. Il n'y avait que la prophétie. Il y a une main d'œuvre. Toi, la maman, tu es la DG. Les enfants ici, ce sont les agents de terrain. Allez ramasser et puis tous allez vendre. Et ce qui manque dans cette famille, il n'y a pas des opérations de vente. Il n'y a que la prophétie. Moi, Élisée, j'avais 12 paires de bœufs. Quand j'adhérais à la prophétie, j'avais 24 tracteurs avec une ferme. C'est pour ça que je ne souffre pas. Quand Naaman amène l'argent, je ne prends pas parce que j'en ai. Ah, oui. Vous comprenez, hein? Ça veut dire qu'il faut faire attention, hein? Pour défier la mendicité, hein? Il faut vaincre la pauvreté. Que tu aies pour refuser ce qu'on a proposé. Ça ne sera pas toujours facile. Tu n'as pas et tu ne fais que refuser. Tu risques de craquer un jour. Que Dieu t'aide vraiment. Amen. Amen. Si tu as un père de type Isaïe, tu dois développer la sagesse de David. Vous me suivez, hein? Je ne suis pas encore à mon deuxième point. Il y a des pères tellement attachés à leurs petites choses qu'ils peuvent vous y attacher aussi. Isaïe avait combien de brebis? Peu. C'est ça le rapport que Eliab fait. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il lui dit, à qui as-tu laissé le peu de brebis? Maintenant, imaginons la famille d'Isaïe ayant peu. Ça veut dire que c'est une famille qui est pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a peu et en mauvaise qualité. On est ensemble. Si David n'avait dans sa vie que ce que son père lui a demandé de faire à côté de ce peu de brebis, il aurait été limité. David a compris que le genre de père que j'ai, c'est un père qui ne sait faire qu'une seule chose, avoir des brebis. Mais moi dans ma vie, je ne veux pas me limiter à être un simple berger qui connaît une seule chose. Je développe la musique. Pendant qu'il garde les brebis, il sait jouer à la harpe. Et puis de deux, je vais développer l'espoir de combat. Pendant qu'il garde les brebis, il sait se battre contre les ours et les lions. Parce que David connaît une chose de ses parents. Il a développé deux choses de lui-même. Qu'est-ce que tu as appris chez vous? Et qu'est-ce que tu as développé personnellement? Pour que tu dépasses les limites de chez vous. Quand David apprend la première fois qu'il entre dans la maison royale, c'est parce qu'il savait jouer à la harpe. Ah, Dieu. Vous comprenez, hein? de ce qu'il a développé de lui-même, qu'il a introduit dans la cour des rois. Son père n'avait jamais été chez les rois. David est arrivé là où son père n'est jamais arrivé avec ce qu'il a développé. Je parle à quelqu'un, connais les limites de chez vous, développe ce que tu as et tu seras en premier à arriver là où chez vous on n'est jamais arrivé. C'est possible. Et la deuxième chose qui a amené David à partir de la famille pauvre là, à changer de classe, c'est la bataille de Goliath. Ça, il l'a développé. Amen. Quelqu'un m'a compris ce matin. Le type de père que tu as eu. Quand tu l'as étudié. Quand tu l'as compris. Apprends à développer des réflexes qui t'amèneront à dépasser ses limites. Si tu restes là à te plaindre du négatif ou à te réjouir du positif, tu ne feras rien. Tu resteras limité. Je vous donne un modèle de quelqu'un qui avait tout pour aller loin, mais qui avoue lui-même qui n'a pas su atteindre le niveau de ses parents. Jacob. Prenez Genèse chapitre 47. Amen. Amina. Genèse chapitre 47. Nous allons lire 8 et 9. Avant d'aller à la deuxième étape, et puis nous allons chuter. Qu'est-ce que la Bible dit? Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Réponse de Jacob. Jacob répondit, les jours, des années de ma vie et de mon pèlerinage sont de 130 ans. Arrêt sur image, arrêtons-nous là. Cet homme est encore vivant ou bien il est déjà mort? Il est vivant. Mais il parle de ses jours comme fini ou bien comme en ayant encore. Il en parle comme si c'est déjà fini. Il dit, les jours de mon pèlerinage sont actuellement de 30 ans. Et ce qui ajoute qu'il n'a plus d'espoir devant lui, c'est ce qu'il dit après. Les jours des années de ma vie ont été peu et mauvais. Ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères dans leur pèlerinage. C'est un homme vivant qui est à 130 ans qui sait que c'est déjà fini. Je ne peux plus rien faire à cet âge. J'aimerais nous informer. La jeunesse éternelle n'existe pas. La vigueur est descendante alors que l'âge est montant. Plus l'âge augmente, plus la vigueur diminue. Apprends à réaliser tôt ce que tu dois faire, parce que si tu le réalises tard, tu peux savoir le faire, mais tu manques le pouvoir de le faire parce que tu as déjà vieilli. Ça existe. Allez lire le livre de Josué. Lorsque Josué atteint la fin de sa vie, il est au commencement des conquêtes. Et Dieu vient lui dire, Josué, tu es vieux et avancé en âge. La terre qui te reste à conquérir est encore très grande. Ça veut dire, nous nous retrouvons avec un dilemme. Tu n'as plus assez de force, mais le travail à faire est très grand. Et que tu partiras sans avoir fini. Vous comprenez pourquoi Jésus a tout fait à 33 ans. Vivre longtemps sans marquer son temps, c'est être incompétent. Tu n'as pas besoin de vivre longtemps pour marquer ton temps. Tu as besoin de comprendre tôt ta mission de vie et de fréquenter les expérimentés de cette vie-là pour que tu gagnes en temps. À 12 ans, Jésus fréquente les docteurs de la loi. Il ne fréquente pas les amis de 12 ans. Il sait faire des retraites de 3 jours en présence des gens du domaine dans lequel il va travailler. Qu'est-ce que tu fais avec ton âge? Et tu fréquentes qui? En fréquentant les médiocres, tu peux dépenser trop de ton temps et tu te retrouves vieux sans jamais rien réalisé. Qu'est-ce qui a fait perdre le temps à Josué? Ils étaient deux bons garçons qui ont fréquenté 10 médiocres. On les a envoyés à 12 aller explorer Canaan. Ils rentrent, 10 médiocres avec qui ils étaient ont fait un mauvais rapport. Et Dieu a dit, vous allez tourner 40 ans. Lui et Caleb avaient des bonnes dispositions, mais leur fréquentation les a amenés à perdre 40 ans dans leur vie. Qui tu fréquentes va déterminer si tu vas gagner en temps ou si tu vas perdre. Lorsque tu te rends compte que c'est un médiocre qui est entré dans ta vie par ta naïveté, en toute douceur et en tout amour, débarrasse-toi de ce médiocre-là. Tu as du temps à gagner, tu n'as pas de temps à perdre. Je suis à faire un calcul. Hein. Le plus robuste selon Moïse, il meurt à combien? 80. Et le moyen meurt à combien? À 70. Divisé 70 par 2, ça fait 35. Divisé 40 par 2, ça fait 80 par 2, ça fait 40. Jésus a tout accompli à quel âge? À 33 ans. Il sait qu'à partir de 35 ans, la vieillesse commence. Je dois tout terminer avant d'atteindre le minimum de la vieillesse. Apprends à faire les choses pendant que tu as de la force. Nous avons un problème avec les gens qui se plaignent des choses au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et travailler à dépasser les limites qu'ils ont trouvées chez eux. Ils sont devenus les narrateurs de ce que la sorcellerie a fait dans leur famille. Et tout le monde connaît l'histoire de votre famille autour de vous, mais personne ne connaît les exploits du chrétien que tu es. Médiocre, médiocre. Deuxième point maintenant, pour terminer, adopter le type de vie céleste qui se trouve en Jésus. C'est ici que j'attire notre attention à tous en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Amen. Devenir une nouvelle créature sans marcher en nouveauté de vie, c'est continuer la destinée ancienne limitée tout en étant croyant en Christ. Je le répète. Devenir une nouvelle créature sans marcher en nouveauté de vie, vous êtes une continuité de l'ancienne vie limitée tout en étant croyant en Christ. Je vais m'expliquer calmement et profondément. Amen. Que nous dit psaume 82? Zaburi makumi nane na mbili nasema nini? De 5 à 7. Kwanza vesi ya 5 mpaka 7. La Bible dit, Biblia, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ya giza. Amen. Amen. Ça veut dire, Nikusema, si tu n'as pas d'intelligence kama aonana akili, et tu n'as pas de savoir, na aonana kujua, tu marches où? Uko natembea wapi? Dans les Dania ténèbres. Giza. Et la conséquence, lorsqu'une personne n'a pas de savoir et d'intelligence, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Notre vie se mène où? Sur la terre. C'est-à-dire sur cette terre ici. Si tu n'as pas d'intelligence et tu n'as pas de savoir, les bases de ta destinée sont ébranlées. On ne vit pas sur une fondation, on vit dans une maison. Tu n'as pas de nyumba. Tu as un terrain. Uko na pango. Tu as posé la fondation. Unaweka tena hiyo misingi. Mais tu n'as pas de maison. Lakini hauyakuwa na nyumba kamwe. Tu ne vivras pas sur une fondation. Hautaishi juu ya misingi. La nouvelle créature que tu es. Umbe kipya tena nakuwa. Être né de nouveau. Kuzaliwa upya. C'est la fondation de ta nouvelle vie. Misingi ya maisha yako. Ce n'est pas ça toute ta nouvelle vie sur la terre. Ina maisha mpya kwenye dunia. Lakini misingi. Et tu dois bâtir. Na unapasha kujenga ta maison. Nyumba yako sasa. Sur cette nouvelle vie là. Hiyo maisha mpya. En marchant en nouveauté. Mbea kipya. C'est pour ça que Jésus parle de l'homme sage qui pose le fondement de sa maison sur le roc et qui bâtit cette maison-là. Les tempêtes viennent, les pluies et les torrents viennent, mais la maison reste solide. C'est qu'après avoir fait l'expérience d'être une nouvelle créature, il y a la responsabilité de construire une nouvelle vie. Continuons avec Psaume 82, de 5 à 7. Après que la terre soit ébranlée, qu'est-ce que la Bible dit? Tous les fondements de la terre sont ébranlés et après. Donne-moi le texte, s'il te plaît. J'avais dit, Mimi nilisema. Vous êtes des dieux. Munakuwa miungu. Vous êtes tous des fils du Munakuwa wote wana wa mwenye nakuwa tu. Cependant, ni wakati vous mourrez comment? Mutakufa namna gani? Comme des hommes. Ça veut kama dire watu, nikusema, en chacun de nous, kila mmoja wetu, par le fait que la parole kuali tu neno est venue vers nous. Ilingia c'est ndani ça yetu. Que Jésus dit dans Jean 10 ile Yesu anasema en reprenant cette écriture. Kurudiria hiyo si la parole kama neno a appelé Dieu, il ita Mungu, ce à qui elle a été wale alipata tena. Ça veut dire quand la parole vient vers nous, kati neno anakuja kwetu, elle engendre en nous la ressemblance à Dieu, la divinité. Mais nous avons le corps qui est encore la dimension humaine. Il y a un choix à faire. Vivre selon Dieu ou vivre selon l'homme. Et Paul en parle. Prenez 1 Corinthiens au chapitre 3. Vous allez voir que les Corinthiens sont déjà nés de nouveau, mais ils vivent selon l'homme. 1 Corinthiens 3, de 2 à 3. Je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ça veut dire lié à la dimension humaine du corps. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Mais il le dit aux enfants de Dieu. C'est que tu peux être enfant de Dieu, tu ne marches pas selon Dieu en nouveauté de vie, mais tu marches selon l'homme. Conséquence. Mazao au matokeo. L'âme de la vie se trouve où? Dans le sang. le sang circule où? Dans notre corps, l'âme nafsi et spirituel. Yakiro, le sang et le corps sont physiques. Ça veut dire qu'il y a dans notre sang quelque chose de spirituel qui s'appelle l'âme et qui a une connexion avec le monde spirituel. Le sang qui se trouve en toi, tu n'es pas le premier à avoir. C'est un sang que tu as hérité. C'est que le sang que tu as dans ton corps a toute une histoire avec l'âme et les âmes de tes pères. Tu commences à me comprendre maintenant. Ça veut dire, lorsque ce sang entre au-dedans de toi, il y a une histoire spirituelle de l'âme de tes pères qui est entrée en toi, et toi tu es une nouvelle âme dans un vieux sang. Quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, et que tu ne marches pas selon la nouveauté de vie, tu rentres dans la marche selon l'homme, tu te connectes à tout ce qui est lié à l'homme. Ah, oui. Vous commencez à comprendre pourquoi dans certaines vies chrétiennes, il y a le retour de certains combats depuis que vous étiez païen. Il y a une victoire que vous n'obtiendrez que par la marche. Et il y a des défaites que vous allez enregistrer parce que vous avez raté la marche en nouveauté de vie. C'est pour ça que quand nous lisons l'apôtre Paul dans le livre des Romains, lisons ça très bien. Et tout ça dépend de goût que les âmes des uns et des autres développent. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire un homme né de nouveau qui ne marche pas en nouveauté de vie est un homme charnel qui marche selon l'homme, et celui qui marche selon l'homme est rattrapable par tout ce qui s'est passé avant que cet homme-là soit dans sa lignée. Oh, maintenant tu marches comment? Sasa uko natembea namna kani? OK. Sinifile. Beaucoup de gens se plaignent. Watu wengi wanajililia tu. De ce qu'on leur a fait chez eux, chez nous. Bile bali bafanishia kwabo kwetu barinifaa hivi. Tu marches? Uko natembea comment? Je. En nouveauté de vie? Maisha mpya? Ou bien tu es dans les disputes? Dans les jalousies, ça veut dire dans tout ce qui est de la terre. Et la Bible dit tu marches selon l'homme. Si tu marches selon l'homme, tu es rattrapable par toutes les alliances qui ont été faites avant que ton sang entre en toi. Ça va te rattraper. Si tu commences à marcher en nouveauté de vie vers la destinée que Dieu a fixée en Christ, tu vas creuser un écart entre les choses qui vous poursuivent chez vous et toi-même. C'est ta marche qui est la première victoire. Israël sort d'Égypte. Dieu ne les conduit pas par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Il les amène vers le chemin de l'art. Suivez bien l'histoire. Ils amorcent la marche, n'est-ce pas? Lorsqu'ils partent, l'Égypte se rend compte que nous avons commis une très grave erreur de les laisser partir. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons les chars et poursuivons-les. Israël arrive presque en face de la mer, à Pi-Ayrot. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils regardent en arrière. Ils voient quoi? L'armée de Pharaon qui venait avec des chars et des cavaliers. Le peuple crie à Moïse. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? C'est ce peuple que nous avons actuellement. C'est des gens qui voient les menaces de toutes les choses passées de chez eux. Commencer à menacer leur vie. Et ils déclarent la sorcellerie de chez nous. Vous commencez à pleurer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse dit? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse, Moussa, où est la garantie? C'est seulement ce que je vous dis. Si tu veux savoir que tu ne vas jamais être rattrapé par les mauvaises histoires de chez vous, tu n'as qu'à croire en la parole de Moïse. Et notre Moïse, c'est Jésus. Il n'y a pas de garantie physique contre nous. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Tu n'as qu'à croire que moi ça ne va pas me rattraper, même si tu vois les menaces. Amen. Les menaces peuvent se manifester par des circonstances qui montrent des signes visibles qu'il y a un problème. Nous avons connu des menaces de stérilité dans notre couple qui font partie des éléments liés aux générations précédentes, constatables dans les générations actuelles. Ça a commencé, mais nous avons dit, nous n'allons pas être victimes de cela parce que nous marchons par la foi. J'ai pris le psaume 128. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu jouis alors du fruit de ton travail et ta femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des oliviers autour de ta table. J'allais tous les jours devant Dieu pour lui dire, je ne te craignais pas avant. C'est toi qui m'as demandé de te craindre. J'ai accepté de te craindre. Et ta parole dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Je suis un homme heureux. Ma femme est une vie féconde. Il n'y a pas de stérilité dans ma famille. Mes enfants sont comme des oliviers autour de ma table. Et là, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfant. Ah oui. Vous me suivez? Mes témoins sont là. Ils peuvent vous expliquer toutes ces choses ici. Amen. Amen. À un certain moment, il y a même un grand-père qui nous a appelés. Qui m'appelle moi. Nanita. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, toi, tu ne vois pas quelque chose qui ne va pas. Il me dit, toi, tu vois quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais nous ne voyons pas les enfants venir. Je lui dis, oh, ce n'est que ça. Vous savez, quand les gens vous amènent des drames, prenez la joie. Il voulait que, comme c'est dramatique pour lui, que ce soit aussi un drame pour moi. Moi j'ai dit non. Et nous avions refusé, ma femme et moi, et les présents, de faire de ça un problème de famille. C'est l'affaire de notre couple. Ce n'est pas une affaire de famille. Si vous osez en faire une affaire de famille, vous allez vous perdre là-dedans. Vous me comprenez? Et puis, dans notre philosophie de vie, un couple est souverain. Ça veut dire que tu peux être mon grand frère de famille. Tu n'es pas grand frère de mon mariage. Mon mariage, c'est moi l'autorité. Et ma femme, c'est mon associé dans la soumission. Le mariage n'a pas de grand frère. Le mariage a le mari et la femme et Dieu. C'est Dieu qui est le parent des mariés. Comment est-ce que tu vas être mon grand frère et le grand frère de mon mariage? Il n'y a pas moyen. Le mariage, c'est une affaire de l'homme qui quittera son père. Si j'ai déjà quitté mon père, toi tu vas devenir grand frère de mon mariage comme mon père déjà lui, on m'a demandé de le quitter. Maintenant, toi tu vas devenir grand frère du mariage. Ça veut dire le mariage, hein, c'est le fait qu'un homme quitte, échappe du contrôle de l'autorité parentale absolue pour devenir autorité maritale et parentale. Et c'est lui qui exerce dans sa maison l'autorité venant de Dieu dans le mariage. Il n'exerce pas l'autorité de son père chez lui. Il exerce l'autorité divine dans le mariage. Oui, moi, non, mais je toque toi, on n'a pas pour voyager, pas qu'au calombe. Même s'il faut voyager, il faut demander encore chez tes parents. Jacob. Et on attaque quoi d'accord que on a parti chez toi. Tu demandes à ton beau-père. Mes enfants, on est parti avec Batoto Yango. Ce sont tes enfants. Ni Batoto Yako. Les enfants de ton beau-père. Ni Batoto Yamuko Yako. Oui, monsieur, fais. Je dis des choses spirituelles. Qu'on a c'est ma bintu biakiro. À comprendre spirituellement. Biako elewa mukiro. Ne permettez pas Moussirousu à d'autres personnes que vous dans votre mariage Mundoayenu d'avoir plus de pouvoir que vous. Il n'y a mipita que Dieu et vous ni Mungu dans ce mariage-là qui sont chargés de poser muziko, les actes d'autorité selon le modèle de Dieu. Mufano ya Mungu. Mais je n'ai pas dit l'homme abandonnera, quittera. Quand je n'ai pas encore quitté, et je suis enfant de mon père, je lui dois obéissance, n'est-ce pas? L'enfant obéissait à vos parents. Quand j'ai quitté, je deviens autorité dans ma maison, je ne dois plus obéissance à mon père. Je lui dois honneur et lui n'a pas d'interférence à faire là où je suis autorité. Ce n'est pas chez lui, c'est chez moi. Ça vous fait mal, hein? C'est comme ça. T'honorer ne signifie pas te permettre de décider dans ma maison. Dans ma maison, je suis autorité, je décide avec ma femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu es ma grande sœur, ma petite sœur. Je t'aime, mais je ne m'attacherai pas à toi. Je dois m'attacher à ma femme. Toi et moi, nous sommes divinement liés par le sang, mais l'attachement de ma destinée à venir, je la donne à ma femme. Toi et moi, Dieu nous a attachés pour faire le présent et le passé ensemble. Mais l'avenir, moi je dois divinement m'attacher avec ma femme. Ah, nous nous comprenons. Hein? Et puis je dis au grand-père, c'est un petit problème. Vous ne savez pas si nous avons un dossier dans les ambassades. Et que si elle prenait une grossesse, le dossier va avoir des problèmes. Parce que quand tu t'es présenté sans enfant, et tu arrives avec des enfants, tu vas détruire le dossier. Il dit, oh, c'est comme ça. Je l'ai regardé, je dis, bon sommeil. Au moins, hein, je n'étais pas ouvert la porte hein, de venir savoir qui a le problème, qui n'a pas le problème. C'est là que les choses commencent. Nous avons prié Dieu. Les clichés des médecins ont établi qu'il n'y a pas de place pour les enfants. L'utérus indique une végétation myomateuse de 11 cm à peu près. Amen. Les médecins comprennent ces mots sophistiqués-là qui nous compliquent parfois la vie. Nous nous amenons un seul mot, Jésus. Simple. Il n'y a pas eu d'intervention médicale humaine. Il y a 4 enfants dans notre maison. Le Dieu Tout-Puissant a honoré sa parole parce que nous avons fait foi en cette parole-là. Tout ce que tu as à faire, même si tu vois les signes commencent à te manifester, tu vois Pharaon s'approcher, ce que tu vois là, tu ne le verras plus. Je ne vois plus les miomes de ma femme, je vois les enfants que j'ai avec elle. 4 Machin, tu peux t'en abouler, Fouvata. Il nous dépasse même à la taille. Dieu est tellement merveilleux. Maintenant, je vais terminer. Ça, c'est Moïse qui a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible nous dit d'abord, au moment où Moïse a parlé, l'ange qui était devant eux est passé derrière et la nuée est allée s'opposer entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Entre toi et ton passé, il n'y a pas de vide. Il y a la nuée, il y a le Dieu Tout-Puissant qui se charge de retarder la marche de toutes les choses qui te poursuivent, de toutes les choses qui te réclament. Et ce Dieu-là, il te voit dans l'avenir et il se charge de liquider ton passé. Et qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Il dit à Moïse, qu'est-ce que j'entends comme bruit sur le peuple? Dis au peuple qu'il marche. Alors que eux viennent avec des cavaliers, Dieu devait lui dire courez, mais il dit dis au peuple qu'il marche. C'est ta marche qui va faire la victoire. Et la marche de quelqu'un qui est poursuivi par ceux qui courent indique que celui qui marche n'a pas peur. Je n'ai pas peur que mon passé va me rattraper parce que je marche en nouveau tête de vie, je suis déconnecté de l'ancienne vie, mon âme chante les choses d'en haut, mon cœur est ressuscité avec Christ dans les choses d'en haut, j'aime les choses d'en haut, aucune vie d'en bas ne va me rattraper, tiens-toi debout, nous allons acclamer et adorer le Seigneur des Seigneurs. Oh, Dieu est grand, Dieu est bon. Acclame-le, acclame-le. Commence à acclamer. En poussant des cris de joie. Tu es menacé. Dieu ne va pas te rattraper. Même si tu vois les menaces commencer à s'exécuter, apprends à déclarer les Égyptiens que vous voyez, vous ne les referez plus jamais. Déclare cela dans ta vie. Tout ce que j'ai vu dans ma famille et même dans ma vie comme des répétitions du passé, je ne les reverrai plus jamais. Commence à le déclarer. Commence à le proclamer. Commence à le chanter. Commence à le confesser. La Bible le déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui les aime, il en mangera les fruits. Mange aujourd'hui les fruits de tes paroles. Prononce-les afin que ta destinée mange. Prononce les paroles de Dieu. Ta destinée va les manger. Confesse les promesses de Dieu. Ta destinée va les absorber. Confesse les paroles prophétiques de Dieu. Ta destinée va prendre forme de ces paroles. Oh, je lève ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Et tu restes le Dieu véritable. J'appelle Papa Désiré à venir conduire les choses. Alléluia. Alléluia. Oh, ça c'est un message prophétique, bien-aimé, aujourd'hui. C'est vraiment un message prophétique. Tu dois avancer vers ta destinée. Mais il y a des choses qui viennent derrière. Peut-être que tu vois avec tes yeux. Peut-être que tu sens dans ton corps. Ça peut être des maladies de famille. Ça peut être des problèmes de famille. Tu le vois et tu le sens. Et c'est vrai. Quand tu le regardes, c'est vrai. On nous a dit deux choses très importantes. La première chose, l'ange qui était devant, il s'est mis derrière. Dieu fait déjà un travail lui-même pour retarder que ces choses ne puissent t'atteindre. Et la deuxième chose, tu dois marcher. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La seule chose que nous avons, c'est croire au Seigneur. J'aimerais d'abord que tu déclares que tout ce que je vois, tout ce que je sens dans mon corps, je vois dans ma vie, je vois dans ma famille, ça n'arrivera pas, ça ne m'atteindra pas, j'avancerai dans ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à les déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. La stérilité de la famille ne t'atteindra pas. Le problème des cancers ne va pas te toucher. Le problème des maladies ne va pas te toucher. Oh, les morts précoces ne vont pas te toucher. Déclare ces choses. Et commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette parole. La deuxième chose, bien-aimé, on nous a parlé d'un homme malheureux. Jacob. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Tout ce qu'un homme pouvait avoir sur la terre. Il a eu ça. Mais il n'a même pas atteint pour ne pas dépasser les limites de la vie de son père. Lakini asikufike juu ya kupita mipaka ya baba yake. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à leur disposition. Koko watu wanakuwa na vitu nyingi inewapewa. Dieu leur a fait grâce. Mungu aliwachalia nehema. Mais ne savent pas avancer. Lakini hawajui kusonga mbele. Pour dépasser les limites de leur père. Juu ya kupita mipaka ya baba zao. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Parce qu'il a parlé, il a considéré qu'il était fini. Sababu haliona kusema ni mwisho yake. Oh, je te dis une bonne nouvelle ce matin. Nakupatia habari njema asubuhi. Tu n'es pas fini. Wewe haiko mwisho yako. Tu as encore du travail avec toi. Uko na kazi tena. Tu n'es pas fini. Haiko mwisho yako. Je peux faire encore. Mungu anaweza kufanya quelque chose de nouveau. Je veux que tu puisses le déclarer maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer. Je ne suis pas fini. Ce n'est pas fini avec moi. Ce n'est pas fini dans ma vie. Ce n'est pas fini dans mon travail. Ce n'est pas fini dans le ministère. Ce n'est pas fini. Dieu veut faire. Il peut faire encore des choses avec toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oh, merci Jésus. Ce n'est pas fini. Que ta bouche le confesse. Que ta bouche parle. Que ta bouche parle. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu peut faire. Dieu peut faire. Dieu veut faire. Oh, il est capable. Il est capable. Tu es capable, Seigneur. Tu vas faire dans ma vie. Tu vas faire dans ma vie. Tu vas faire dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. La troisième chose, quand tu as ton père, tu dois observer ses limites et ramener ce que le père a perdu. Abel a ramené la foi que son père a perdue. Par la foi, Dieu a agréé son offrande et il a changé. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Tu dois te décider aujourd'hui. Ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par les choses naturelles. C'est par la foi que tu dois ramener les choses qui étaient perdues dans votre famille. Alléluia. Amina. Plusieurs familles ont perdu beaucoup de choses. Majama mingi iliweza kupoteza vitu. Ils ont été chassés du jardin. Waliweza kuwafukuza ndani ya shamba. Mais par la foi de Abel. Lakini kupitia imani Habeli. Il a ramené la gloire de Dieu. Alirudisha tena utukufu wa Mungu. C'est les mêmes parents, Adam et Ève. Paka wale wazazi Adam na Hawa. Considère cela, bien-aimé. C'est que quelque part, tu peux changer et tu dois changer l'avenir de votre famille. L'échec d'hier de mes pères n'est pas une raison pour que j'échoue moi dans ma vie. J'aimerais que tu te révoltes un peu dans la prière. Ta destinée ne doit pas être engagée à cause des échecs de tes pères. Tout est possible à celui qui croit. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Mais avec la foi, tu peux tout. Rien ne peut te résister. Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Bien-aimé, si tu n'avais pas fait les exploits, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Il y a un avenir qui t'attend. Il y a une destinée qui t'attend. Il y a une destinée qui attend ta vie. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant. Dieu veut voir quelqu'un aujourd'hui qui va entrer dans sa destinée, qui va prendre des décisions pour dire à partir d'aujourd'hui, je change la destinée de ma vie. Ce n'est pas ma famille qui va bloquer. Non, je change et j'entre dans ma destinée parce que j'ai découvert et je connais. Je connais à partir d'aujourd'hui que je peux changer les choses au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Oui, tu fais bien de taper les mains de prier. Tu fais bien de taper les mains de prier. Commence à prier. Commence à prier. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses sont en train de changer. Dans ma vie, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, on est en train de terminer l'année. Et quand il faut adopter l'image du Fils, on nous a dit comment tu marches. Le Saint-Esprit te pose cette question. L'année est en train de se terminer. Tu as une nouvelle âme. une nouvelle âme dans un vieux sang. Dans un sang qui vient de tes parents. La façon de changer ces choses. C'est de marcher différemment des parents. Comment tu marches? Tu marches comme dans l'ancienne vie. Unatembea kama maisha za kale. Ou tu marches dans une nouvelle vie. Hao unatembea kama maisha mpya. On nous a parlé de Paul. Wanatusemezea kwa ajili ya Paul. Qui a connu le même combat. Mwenye alikuwa na ukomvi kama wewe. Il trouvait en lui une loi qui était contraire à la loi de Dieu. Alikuta ndani mwake sheria inakuwa kinyume ya sheria ya Mungu. Bien-aimé. Pendwa. Constater que quelque chose ne va pas. Hangaria kusema kitu hakiendeki. Ne fait pas nécessairement de toi quelqu'un de bien. Haifanye kusema wewe uko mtu mzuri. On nous l'a dit d'ailleurs aujourd'hui. Tuambia leo. Constater une mauvaise chose ne signifie pas que tu es bon. Kuona kitu kibaya kisemezee wewe unakuwa mzuri. Tu es bon quand tu décides de faire la bonne chose. Uko mzuri wakati unachukua mpango ya kufanya kitu kiema. Comment nous marchons? Namna gani tumetembea? Comment tu marches? Namna gani umetembea? J'aimerais que tu pries pour toi-même. Napenda ujiombe. Il y a une décision que tu dois prendre. Uko mpango inabidi uchukue. Et si pendant ce temps tu as besoin de la prière, tu peux t'avancer. Ukitajia maombi unaweza songa mbele. Mais l'essentiel c'est que tu regardes comment tu marches. Ya mahana ni ujiangalie namna gani unatembea. Les gens venaient avec des chars, des chevaux, des militaires. Mais pour Dieu, la victoire était dans la marche. Une marche simple. N'oubliez pas qu'il y avait même des petits enfants, donc ils marchaient à peine. Comment nous marchons? Je pense qu'il faut prendre la bonne décision ce matin. Et réparer ta marche avec Dieu. Élève ta voix. Commence à prier pour toi-même. Prie pour toi-même. Il y a des jours de décision. C'est comme ce jour. C'est comme aujourd'hui. Prends la décision. Décide-toi de marcher différemment. Décide-toi de marcher différemment. Décide-toi de marcher différemment. Les anciennes choses liées au sang vont s'arrêter elles-mêmes. Comment tu marches? Oui, si tu as besoin de la prière, viens devant, on va prier pour toi. On va prier pour toi, bien-aimé. C'est ta destinée que tu engages. C'est ta destinée que tu engages. C'est ta destinée, bien-aimé. L'avenir, c'est toi qui le fixes. L'avenir ne dépend que de toi. Comment tu marches? Chaque jour à chaque heure. Comment tu marches dans ta vie? Comment tu marches dans ta vie? Oh bien-aimé, aujourd'hui, tu dois décider de la façon de marcher. Tu dois décider de la façon de marcher. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ta servante. Je la recommande entre tes mains. Elle a pris la décision ce matin de changer sa marche. Saint-Esprit, je crois et je prie que tu puisses l'aider pour qu'elle marche en nouveauté de vie. Et qu'à partir de cette marche, que les anciennes choses tombent. Parce qu'elle est une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Bien-aimé, être une nouvelle créature, c'est un fondement, c'est une fondation. Mais tu dois bâtir la maison. Et chacun regarde comment. Il y en a qui bâtissent avec le chaume, avec la paille. Il y en a qui bâtissent avec les moellons, avec les briques rouges, avec je crois les petites briques. Chacun doit bâtir la maison et la suite, c'est en fonction de comment tu bâtis ta maison. Kila mmoja inabidi ajenge nyumba yake na ijayo ni namna gani unajenga hiyo nyumba. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout toute l'église. Napenda tu inuke kanisa mzima. Tiens-toi debout, nous allons prier pour terminer. Inuka na tutaomba. On nous a dit aujourd'hui dépasser les limites de nos pères. Leo anatuambia kupita mamipaka ya baba zetu. Tu vas prier. Utaomba. Quel message? Ujumbe gani? Quelle révélation? Ufunuo gani? Tu connais là où ton père s'est arrêté? Unajua ni wapi baba yako alisimamia? Dans la maison. Ndani ya chumba. Dans la vie. Ndani ya maisha. Tu connais là où ta mère s'est arrêtée. Unajua ni wapi mama yako alisimamia? Aujourd'hui nous devons dépasser les limites. Leo inabidi tutambuke mipaka. Tu n'as plus à regarder le côté négatif. Hautangalia tena ngambo ya mbaya. Regarde ce que tu dois faire. Wewe tazama nini inabidi ufanye. Ou dépasser les limites. Sababu upite. Yana qui ont des parents qui sont morts tôt. Wengine wazazi walifariki na wakati ya mbele. Yana qui ont des parents qui n'ont pas assez étudié. Wengine ni wazazi wakujifunze zaidi. Yana qui ont des parents qui n'ont pas eu ça, ça ou ça. Wengine ni wazazi wanakosa kifulani. Yana qui ont des parents qui ont servi Baal. Wengine ni wazazi walimtumikia Baali. Yana qui ont des parents qui ont été dans la sorcellerie, dans les fétiches. Wengine walikuwa muuchawi, muulozi. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses, qu'on nous saisissions cette parole. Napenda uchukue hiyo neno. Dépasser les limites de mes pères. Kutambuka mipaka ya wababa zangu. D'ailleurs, la Bible dit dans Ézéchiel 18, on a lu ça avant-hier, je pense. Même si les pères ont mangé des raisins verts, les fruits des enfants, les dents des enfants ne seront pas agacées. Ce proverbe n'a plus lieu d'être dit en Israël. Ézéchiel 18:4, nous voulons prier. Tu dois dépasser les limites de tes pères. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je déclare dans ma vie. Je veux dépasser. Toutes les limites de mes pères. J'irai très loin. On dit qu'un enfant c'est comme une flèche. Une flèche est toujours lancée plus loin. Aujourd'hui. J'irai plus loin. Que là où mes pères se sont arrêtés. J'irai plus loin. Que là où ma famille s'est arrêtée. Dans tous les domaines de ma vie, dans mon mariage. Dans mes affaires, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie. Je les déclare du haut de la chair, là où mes pères n'ont pas été, j'irai très loin, j'ai dépassé les limites de ma famille, les limites de cette église, les limites de mes pères, au nom de Jésus, je les déclare. Seigneur, aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Ce que mes pères n'ont pas fait, je le ferai. Ce que mes pères n'ont pas touché, je les toucherai. Ce que mes pères n'ont pas vu, je le verrai. Les années de vie que mes pères n'ont pas atteintes, je les atteindrai. Aujourd'hui, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole et je déclare, je fais mien cette parole, je crois dans cette parole, je crois dans cette parole. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur. Remercie le Seigneur parce qu'il va le faire au nom de Jésus. Merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu le feras. Tu as dit que tout ce que nous demanderons en priant, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ce qu'on demandera au nom de Jésus, cela nous sera donné. Merci Seigneur, merci parce que ça va se faire dans ma vie, ça va se faire pour mes enfants, ça va se faire pour l'église, ça va se faire. Sois béni Seigneur, sois élevé Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, nous bénissons le Seigneur. Que des révélations très, très, très profondes. Et foi en la parole de Dieu. Cette parole change de vie. Cette parole nous change et nous transforme. Nous voulons passer aux offrandes. Le protocole va nous aider. Mettez aussi un panier là. Rapidement, merci. Pour aller vite et gagner le temps. Nous donnons nos offrandes. Après, j'ai quelques communiqués à vous donner. Avant de nous séparer. Que Dieu vous bénisse la chorale. Mungu amibariki. Baba anaweza, anaweza, anaweza, anaweza, Jehova. Baba anaweza, anaweza, anaweza, anaweza, Jehova. Baba anaweza, anaweza, anaweza, anaweza, Jehova. Falme, ni mufalme, ni mufalme, Jehova. Ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, Jehova. Baba, ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, Jehova. Baba, ni mufalme, ni mufalme. Ni mufalme, Jehova. Baba ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, Jehova. Galilee, ni mufalme, ni mufalme, ni mufalme, Jehova. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame, je proclamerai la gloire de ton nom. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ces offrandes. Nous bénissons toute main qui s'est levée pour t'adorer. Bénis sa vie. Bénis sa maison. Bénis son travail. Souviens-toi de tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, avant que je ne donne le communiqué, tous les programmes que je vois ici, j'aimerais qu'on fasse quelque chose qui monte à mon cœur. Nous voulons bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis. Alléluia. Amina. Je pense que nous avons eu vraiment des révélations. Et Dieu nous a parlé. Et pendant toute une semaine, et même son épouse Maman Tété est venue. Et j'en sais quelque chose, travaille pendant toute une semaine. Ce que ça signifie. Alors, tu as quelque chose, j'aimerais qu'on mette un panier ici devant. Nous voulons vraiment, avec un cœur d'amour, bénir Kubariki. Le docteur. Docteur. Et que la grâce de Dieu puisse toucher tous ceux-là qui vont participer à cette bénédiction. Ruth, tu nous accompagnes et que nous puissions faire une offrande que nous allons, telle qu'elle, donner à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous avancer. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Jésus, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes bontés sont manifestes dans nos vies. Je dirai toi, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Disons le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Oh, je chante. Alléluia. Je crie. Amen. Je chante. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je chante, alléluia. Je crie, amen. Je chante, alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci. Nous avons quelques anniversaires ce matin. Du moins ceux-là qui ont donné leur nom. Anne-Marie Chipamba et Marie-Jeanne Chipamba. Et là, tu vas. Oh, c'est la maison d'anniversaire. Hey. Ils sont où? Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? On va prier pour eux. On va les bénir. Anne-Marie, Marie-Jeanne, Light. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On les encourage. On les encourage. C'est toujours bien de donner même la prière à ton frère juste de son anniversaire. Tu es là peut-être, on n'a pas donné ton nom. Tu peux aussi t'approcher, on va prier pour toi. Tu es là, tu peux t'approcher, on va prier pour toi. Karibia, tu oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Oh, que Dieu vous bénisse. C'est bien de se réjouir ensemble. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'a que des enfants. Alléluia. Amen. Donc ils sont tous enfants de Dieu comme nous. Alors nous allons prier pour eux. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse leur vie. Et que Dieu augmente le nombre des années dans leur vie. Qu'ils avancent et qu'ils dépassent les limites de leur père, qu'ils entrent dans leur destinée, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Je viens les recommander entre tes mains. Je prie pour leur anniversaire, Seigneur. Bénis leur vie, qu'ils ne manquent de rien. Je prolonge le nombre de jours de leurs années. Je recommande à ta grâce, Seigneur, que par cette prière, que tu les introduises dans leur destinée, en marchant avec toi, dans la fidélité et dans la crainte. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pendant qu'ils rentrent à leur place. Nous donnons le programme de la semaine. Que Dieu te bénisse. Demain, nous commençons la dernière semaine de notre Mulima 30. Et c'est l'apôtre Samuel de Tanzanie qui est déjà à Lubumbashi. Et demain matin, il sera au milieu de nous. Donc l'après-midi à 16h30, nous commençons la dernière semaine. Cette dernière semaine a beaucoup de particularités. Lundi, mardi, mercredi, nous sommes ici en prière. Le soir à 16h30. Mercredi et jeudi, c'est le jour de Noël. Nous allons culte le matin à 9h. Donc, le culte de Noël, nous allons le faire jeudi matin. Et nous reprenons Mulima vendredi soir. Samedi, notre masterclass. Et nous terminons dimanche après-midi. Ce sera un rendez-vous avec toutes nos églises sources fécondes. Donc nous allons terminer dimanche l'après-midi à partir de 15h. Mais le matin à 9h, comme c'est le dernier jour, nous allons faire la Sainte Cène, la table du Seigneur. Ça sera aussi la dernière table de l'année. Donc nous avons commencé Mulima avec la table. Nous voulons terminer aussi avec la table. Donc dimanche à 9h, nous avons notre table de 9h à 10h30. Seulement la table, c'est un culte de Sainte-Cène. Donc nous faisons la table et nous nous séparons pour nous retrouver l'après-midi à 15h pour la clôture de notre Mulima. De notre Mulima 30. Ça, c'est le programme de la semaine. Le mardi 30 décembre. Nous voulons terminer l'année avec notre assistance auprès des orphelins. Donc nous continuons à attendre vos contributions. Pour que mardi le 30 décembre, il y a 3 orphelinats à Likasi. Nous allons assister nos orphelins. Pour leur faire du bien, prier pour eux et apporter notre amour à leur égard. Je parle des orphelins, je ne parle pas des chègues. Donc c'est un travail que nous allons faire le mardi 30 décembre. Nikazi tutafanya mardi 30 décembre. Et le jeudi 1er décembre. Jeudi 1er décembre. Nous aurons notre culte du 1er janvier 2026. Tutakuwa na ibada yetu ya siku ya kwanza ya mwaka ya 2026. À 9h. Na saa 9h. Et vous savez que c'est lors de ce culte là que je donne le thème et le programme de l'année. Na njo pale mina letaka kishina na matengenezo mzima ya mwaka. Donc pendant tout ce temps de mouliment, nous continuons aussi à prier et à écouter le Seigneur par rapport à ce que nous devons faire l'année prochaine. Kwa hiyo wakati yote ya mulima tunaomba na kumomba Mungu atuambie nini tutafanya mwaka ujao. Donc la semaine prochaine nous aurons un seul culte le jeudi, le matin. Tutakuwa na ibada moja jeudi asubuhi. Bien sûr, le mardi nous allons assister les vieillards et plutôt les orphelins. Tena mardi tutaenda kuangalia wayatima. Nous nous retrouverons seulement samedi pour l'intercession le matin. Tutakutana samedi juu ya maombi. Et dimanche 4 nous aurons notre culte de bonne nouvelle de 2026. Sans oublier que le dimanche 4 l'après-midi, nous avons notre conférence des filles, des jeunes filles à la perle. Mangaribi tunakuwa na makutano ya wanamuke wa kike, vijana kike kule kula perle. Nous avons voulu parler aux jeunes filles. Tulitamani kusemezea kwa vijana kike. Pas seulement de l'église mais de l'ICASI, c'est comme ça que nous avons loué la salle la perle. Haiko juu tu ya kanisa lakini juu ya likasi jo kwa maana que chaque jeune fille invite son amie jeune fille. Kijana kike wote alike rafiki yake. Jeune fille nous considérons à partir de 8 ans. Tunaona kijana kike inaanza na miaka ya 8 ans. Jusque quand tu n'es pas marié. Mpaka wakati la uyapata au yaolewa. Alléluia. Je sais que si chez nous parfois c'est compliqué. J'étais parti quelque part, j'ai dit à quelqu'un madame. Donc j'ai dit à une dame madame. Elle m'a dit non, je suis pas madame, je suis mademoiselle. J'ai dit parce que chez nous quand une dame est comme ça on dit madame. Elle dit non non non non, je suis mademoiselle. Voilà, c'est des habitudes, il n'y a pas de problème. Donc nous voulons parler aux jeunes filles. Tunapenda kusemezea na vijana kike. Et on va parler sur l'entrepreneuriat, on va parler sur comment se conduire en tant que jeune fille. Mwenendo. Il y aura des moments de chansons. Wakati ya wimbo il y aura un buffet pour organiser pour jeunes filles. Utakuwa na chakula yenye tulitayarishia. Nous voulons nous concentrer sur les jeunes filles. Tunaweka mafikiri yetu kwa vijana kike. Avec la commission jeunes filles. Nous allons nous délocaliser de l'église pour parler aux jeunes filles. Donc, toutes les jeunes filles, soyez déjà en mouvement. Préparez-vous que le 4 après-midi, nous nous retrouvons à la Perle. Invitez vos amis, vos collègues. Qu'elle prie, qu'elle ne prie pas, invitez-les. Nous allons nous retrouver et échanger. Mais dimanche matin, le 4 matin, nous aurons un culte de bonne nouvelle. Et à ce culte-là, je vais prier pour tous les serviteurs et donner les nouveaux départements tels que nous allons fonctionner en 2026. Donc voilà, je vous donne le programme sur les deux semaines ici. N'oubliez pas, à partir de demain, nous commençons à atterrir notre Mourima 30 avec l'apôtre Samuel Lumbu. Kwanzia kesho tunafika karibu na mwisho wa mlima 30 pamoja na apôtre Samuel Lumbu. Après ce culte, les anciens, les diacres, diaconesse, les serviteurs, nous nous retrouvons à la salle de fête, nous partageons quelque chose avec le couple du docteur David avant qu'il ne rentre sur Lubumbashi. Nous voulons passer un temps d'échange, un temps de joie. Tunapenda kupita wakati ya kuzungumza ya furaha. Voilà. Un temps de cordialité, convivialité pendant quelques instants et manger ensemble avant de partir. Donc les anciens, les diacres, les diaconesses, les serviteurs, nous pouvons nous retrouver à la salle juste après le culte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous nous mettons debout. Je voudrais que tu remercies le Seigneur pour ce temps merveilleux que Dieu nous a donné. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. J'invite le docteur David à nous bénir avant de terminer. Père, nous élevons notre voix pour bénir cette assemblée et le programme dans lequel tu l'as introduite et que ce programme qui commence à toucher à sa fin laisse les traces indélébiles de l'accomplissement de tes promesses dans les vies de tes serviteurs qui sont en ces lieux et de tous ceux qui ont participé en croyant aux paroles annoncées et enseignées du haut de cette chair. Étends ta main sur les santé de tous. Épargne chacun des accidents, des incidents. Épargne nos familles des mauvaises nouvelles. Réjouis nos cœurs en nous introduisant dans l'année qui vient avec ta force, avec ta prospérité, et cela dans le nom de Jésus-Christ qui est glorifié par le Saint-Esprit. Nous bénissons notre nation, bénissons notre pays et nous élevons nos voix pour que ta paix à toi vienne sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. On peut se retrouver de l'autre côté. D'accord. Hein? Nous disons le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. L'ami fidèle, c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. L'ami fidèle. Oh, c'est Jésus. L'ami fidèle. Oh, je chante, alléluia, je crie, amen, je chante, alléluia, alléluia, alléluia, amen. Oh, je chante, alléluia, je crie, amen, je chante, alléluia, alléluia.